Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Comme maman. Hello, hello, la planète RPL. Bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL, en écoute en radio numérique sur le 99FM ou via vos applications préférées. C'est Kimbo pour vous accompagner de 7h à 9h. Juste auparavant, c'était Tonton Jay, son émission Back to the House. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. 2 heures de mix encore cette semaine, le Selectrax reviendra prochainement, donc dans la première heure ça va être un peu vitaminé, on sera plus dans une ambiance techno et dans la deuxième heure ce sera de la minimale et de la deep. Donc si t'es au boulot, on te souhaite bon courage et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. We'll be right back. en DAB+, Fréquence Club, le son qui vous va bien.

Когда ты поймешь, что меня нет. Replay sur le www.fréquenceclub.com. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. C'est la buzz, mec. Thank you. be a surgeon. It was my life. And one night in the laboratory there, there was an accident. Première heure de Fréquence Club s'achève, restez calés, on va enchaîner une deuxième heure sur votre radio RPL en écoutant Radio Numérique et sur le 99 FM. We'll be right back.